et le jour, j'en ai rêvé la nuit. Pourquoi ce besoin-là? Pourquoi cette envie-là? Je voudrais qu'il arrive, je voudrais qu'il soit là. Et que rien ne l'arrête, et que ça dure peut-être. Et que ça dure peut-être. Et que ça dure peut-être. Je donnerai tout pour ça. Et le reste de ma vie, je donnerai tout pour ça. Et les jours et mes nuits, je donnerai tout pour ça. Et le reste de ma vie, je donnerai tout pour ça. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? J'en ai rêvé souvent, j'en ai pleuré parfois. Pourquoi n'arrives-tu pas toujours face à moi? Je l'ai déjà vécu, bien souvent déçu, parce que ça ne durait pas. Est-ce que ça venait de moi? Est-ce que ça venait de moi? Est-ce que ça venait de moi? Je donnerai tout pour ça. Et le reste de ma vie, je donnerai tout pour ça. Et mes jours et mes nuits, je donnerai tout pour ça. Et le reste de ma vie, je donnerai tout pour ça. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Je donnerai tout pour ça. Et mes jours et mes nuits, je donnerai tout pour ça. Et le reste de ma vie, je donnerai tout pour ça. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Tout pour ça. Je donnerai, je donnerai. C'est ainsi, c'est en moi. Je donnerai tout, je donnerai tout. Tout pour ça. Je donnerai, je donnerai. Je ne peux pas vivre sans ça. Je donnerai tout, je donnerai tout. Tout pour ça. Je donnerai, je donnerai. Et le reste de ma vie, je donnerai tout pour ça. Je donnerai, je donnerai. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Je donnerai tout, je donnerai tout. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Je donnerai tout, je donnerai tout. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Je donnerai tout, je donnerai tout. Et toi, qu'est-ce que t'en dis?